Sortons tenir compagnie au virus. On part à l'attaque. La rue est déserte. Les enfants sont au chaud à l'intérieur. De reprendre son business. L'infiniment petit résiste. L'humain malin qui s'amuse à dégommer tout ce qui est plus grand que lui se trouve en difficulté. N'est pas si bête, non, on ne pouvait pas compter sur les éléphants pour nous exterminer, ni sur les mammouths. Il fallait passer par des voies plus inténébrables. Les virus, eux aussi, ont le droit de s'amuser après tout. Serions-nous réduits à ce petit business ridicule de bureaux et d'ordinateurs ? Non. Notre imagination, l'imagination du monde, a besoin de s'envoler. Pour s'envoler, rien de tel. Se passe pas trop mal en compagnie de quelques avions à réaction. Tiens, allons gambader un peu dans les feuilles mortes. Et oui, la feuille morte, elle aussi contient son plein de virus. Heureusement, l'esprit s'échappe, lui aussi. Il n'attend pas qu'on le contraigne. Qu'on le maintienne, qu'on l'emprisonne, qu'on le ridiculise. Marchons finalement, marchons pour nous, pour l'humanité, pour notre virus à nous. Continuons à marcher, ne nous arrêtons pas, confinés ou pas, continuons à marcher, que nous importe, non, inutile de courir, marchons. n'est pas ici pour rester en forme. C'est le fond qui nous intéresse. Et le fond est sans fin. C'est ce que nous aimons. Tranquillement, je dirais, nous passons, nous longeons le virus, comme celui-ci nous longe, nous. Prenons de l'espace, prenons du temps. N'ayons pas peur. Ne nous essoufflons pas. Résistons au moteur, à la mécanicité. Je dirais, en faisant quelques pas, un pas après l'autre, et dans tous les sens, et dans toutes les directions, et quoi qu'il en soit, résistons, résistons.